le soleil et la pluie. Au commencement c'était la nature, la femme et l'homme. On a vite compris sa nature comme il se croque dans la pomme. Des milliers d'années plus tard, la bête fait juste un somme. Quand elle se réveille, ça saigne partout à travers le globe. La tempête fait rage, il n'y a plus de capitaine à bord. On n'a plus le courage de dire les femmes et les enfants d'abord. Dehors c'est hardcore. Les jeunes trouvent refuge dans le crime, dans la drogue et l'alcool. Les valeurs ont disparu ou sont devenues extrêmes. Sois pas surprise, c'est avec ton job, toi ton extrême. Génération rongée par la dépression, faut l'admettre. On a mis Dieu à la porte et on sait plus à qui s'en remettre. Il est trop tard pour les intentions, maintenant faut agir. La vérité faut la dire et l'ignorance faut la fuir. Emprisonné dans le système, je voudrais briser mes chaînes. Je parle de révolution, pense donc à briser les tiennes. Génération extrême, les jeunes se démènent. On fait partie de la solution et non du problème. Emprisonné dans le système, je voudrais briser mes chaînes. Je parle de révolution, pense donc à briser les tiennes. Génération extrême, les jeunes se démènent. On fait partie de la solution et non du problème. Sans point de repère, entouré de corruption puis de guerre. Des êtres humains explosent pour démontrer leur colère. Les nouvelles me laissent un goût amer. Nos dirigeants s'embourbent dans des conflits planétaires. Rien à faire, personne compare. Fume la misère humaine du haut d'un hélicoptère. Essayer de régler ça sans mettre un pied à terre. En bas mon gars, les populations désespèrent. Pendant qu'ici, on se plaint dans nos maisons chauffées l'hiver. Le monde est viré à l'enfer, y'en a qui naissent voués à l'enfer. Le corps est grand entre les pauvres puis les multimillionnaires. Pendant que la classe moyenne tank leur sport utilitaire. Les militaires bombarde des régions pétrolifères. Y'a pas de quoi être fier. Génération stressée sur les nerfs. Y'en a qui firent mal puis d'autres qui persévèrent. J'rap pour ceux qui restent assis là sans rien faire. Qui brisent leurs barrières. Ceux avec qui j'ai fermé le barrière. Emprisonné dans le système, j'voudrais briser mes chaînes. Je parle de révolution, pense donc à briser les tiennes. Génération extrême, les jeunes se démènent. On fait partie de la solution et non du problème. Emprisonné dans le système, j'voudrais briser mes chaînes. Je parle de révolution, pense donc à briser les tiennes. Génération extrême, les jeunes se démènent. On fait partie de la solution et non du problème. La côte a fait déborder le vase, mais on continue de le remplir. Génération extrême, la situation rempère. Y'a plus rien qui nous affecte, on vit nos émotions à frais. On pense juste à nous autres comme si on était seuls sur la planète. Au lieu de se reproduire, on crée des défilés de tapettes. La terre tourne croche, on dirait qu'on veut pas se l'admettre. La planète a d'énormes rivières de sang qui coulent dans ses yeux. Voudrait sécher ses pleurs avant que ça devienne trop sérieux. Juste on fait, rien ne va plus, c'est le dernier tour de table. Ma planète qui se dégénère ne faisait pas partie de la fable. On se rentre la tête dans le sable comme des lâches, on ferme les yeux. Il serait grand temps de briser nos chaînes, ce serait à nous de faire mieux. Emprisonné dans le système, je voudrais briser mes chaînes. Je parle de révolution, pense donc à briser les tiennes. Génération extrême, les jeunes se démènent. On fait partie de la solution et non du problème. Emprisonné dans le système, je voudrais briser mes chaînes. Je parle de révolution.